À l'occasion des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, les rendez-vous de souvenirs, séminaires sur ses exploits et conférences sont tenus en Russie, en présence des personnalités de diverses organisations politiques et sociales et établissements de Russie. Les orateurs ont souligné que Kim Il-sung, grand homme éminent reconnu par le monde, est le leader distingué du XXe siècle qui a consacré toute sa vie pour la liberté, l'indépendance et l'œuvre socialiste du pays et conduit à la victoire l'œuvre d'émancipation du monde.